Dans la sainteté, bonjour et bienvenue. Bonjour. Minuit 48 minutes ici à Douala au Cameroun, 18h48 minutes au Québec et à Montréal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir la sœur Delaroche. Ça va? Celui qui a la maternelle là-bas, elle a fermé son micro. La sœur Karine. La sœur Flo Karine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior, je mets ma vidéo dans deux minutes. Dans deux minutes exactement, c'est chronométré donc exactement. Bonsoir mes frères et sœurs. Voilà, à minuit 41, à minuit 50, elle va mettre sa vidéo. Bonsoir. Mon frère bien-aimé Camille, l'homme de Dieu, bonsoir et bienvenue. Tu sais que je vais... Tout à l'heure, là, on vient de couper avec le groupe d'intercession. Ouais, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour votre pays. Que Dieu vous se souvienne de vous. Souvenez-vous, le nouveau président va lancer un appel à votre endroit. Souvenez-vous de cela. Lorsqu'il va faire son discours, il va adresser un appel à votre endroit. Parce que dans son cœur, dans son esprit, il y a une portée prophétique par rapport à ceux de la diaspora. Et lui particulièrement... Il va vous arranger la situation par rapport à la double nationalité ou vous appelez quoi ces choses-là pour faciliter la tâche. Donc, c'est dans ce qui... Ouais. Ok. Oh. Bon, que le Seigneur vous bénisse de toute façon. Je continue dans tout. La sœur Monique, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ravi de te voir, n'est-ce pas? Oui. On a certainement des choses de Pour discuter tout ce qu'il veut faire maintenant, le Saint-Esprit dit seulement que je me concentre dans la prière. Okay. Notre sœur bien-aimée, Alphonsine Léonie, bonsoir et bienvenue toujours en poste. Oui, bonsoir mon frère. Nous maigrissons tous, n'est-ce pas? Mais souvent, le jeûne n'est pas facile, pas vrai? Ah, mon frère, bon, j'ai écouté les enseignements que le jeûne est tout, hein? Que le Seigneur vous bénisse. De toute façon, ayez la pensée pour vos familles qui sont ici, surtout ceux qui sont du côté de Yaoundé, parce que ça sera chaud. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Si vous ne trouvez pas d'inconvénients, la sœur Karine, ça a fait 2 minutes déjà exactement. Nous sommes à minuit 50. Tu avais dit ça quand elle était à 48. Donc, c'est 2 minutes déjà de révolu. Voilà. Chose promue, chose due. Là, voilà. J'aime quand elle sourit comme ça. Quand elle sourit, ça se pose qu'il y a la vie dans le Canada, dans la sainteté. Ça montre également que votre prière à son endroit, ça marche. Vous la voyez, non? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous la voyez. Alors, la sainte de la Roche, si tu nous vois, puisse le Seigneur te bénir. Puisse le Seigneur bénir ta maison et te visiter. Amen, bonsoir à tous. Ah, là-bas elle est sortie, quand la bénédiction est sortie. Quand la bénédiction est sortie, la sœur a ouvert le micro rapidement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bénis toute ta maison. Et que bonsoir à tous. Oui, et que les projets qui étaient dans les tiroirs sortent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, elle, on ne voit pas son micro, sa vidéo. Alors, si vous n'y trouvez pas d'inconvénients, je crois que le frère Camille est en train de couper le jeûne. Il a aussi maigri comme moi. Ou bien c'est le coquille qui mange, ou c'est le tac, ou ceci des clopes. On ne sait pas. C'est le fruit. Le fruit, ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est une joie immense de connaître la direction du Seigneur, ce qu'il veut qu'on fasse, et qu'on soit en train de le faire. C'est une grâce immense. Dieu ne fait pas périr le juste avec les injustes. Il prévient toujours. ils préviennent toujours. Mais de notre côté, lorsque nous sommes dans le camp des justes, des événements peuvent nous arriver. On ne comprend pas pourquoi, alors que c'est dans le plan de Dieu que ça arrive. Mais de l'autre côté, lorsqu'il y a le traitement général, il épargne ses enfants. Mais dans le camp de ses enfants, il y a des événements qui arrivent selon son plan. Même si ça ne semble pas plaire à notre chair et notre entendement. Jérémie chapitre 10. Une heure. Dans 8 minutes ici à Douala, pas vrai? Oui, une heure dans 8 minutes. Voilà. Vous êtes dans le livre des prophètes Jérémie? Oui. Oui. Nous allons lire le premier chapitre, le premier verset, et puis nous allons y prendre là un sujet de travail. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous y êtes? N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 10 là. Oui. Voilà. La Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 10 verset 1, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Gardez bien ce bout de phrase là. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Nous allons prendre notre sujet de travail là-bas. Identifier l'ennemi de notre marche. Et nous allons travailler puisque le Seigneur nous guider. Que Dieu vous bénisse. Le temps pour moi de dire bonjour et bienvenue à la famille Ntamé. Bonsoir et bienvenue. Shalom, shalom à tout le monde, shalom, chers frères et sœurs. Est-ce que vous le voyez? Oui, seulement ET, n'est-ce pas? Comme le conjonction de coordination. C'est parce que avec la caméra. Voilà, ça va aller. Bienvenue de toute façon, frère. Nous venons tout juste de commencer comme ça. Je prends à témoin où tu vas là-bas, à témoin au coin là-bas. Nous sommes seulement à 8 minutes. Vous voyez là, à coin là-bas, à gauche de votre écran. Vous voyez, effectivement, nous sommes à 8 minutes 35 secondes. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Canada dans la sainteté. Donc, nous allons prendre ici, dans ce livre de Jérémie, chapitre 10, les versets 1 et 2 nous servent le plat de menu, 1 à 3 même, nous servent le plat de menu maintenant, identifier l'ennemi de notre marche. Alors, je relis encore le verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Puis il dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Puis il dit, on coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent, ainsi de suite, de l'or, on le fixe avec des clous et des rameaux, des marteaux, pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont comme des colonnes massives, ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Fin de citation. Donc, lorsque la Bible parle, lorsque ce titre-là, n'imitez pas la voix, identifier l'ennemi de notre marche. Je veux dire, notre marche dans la foi. Ça veut dire que lorsqu'on marche dans la foi, il faut qu'on identifie quelles sont les choses qui sont nos ennemis. Parce que le but de ces ennemis-là sont là pour nous faiblir dans la foi, afin que nous ne marchions pas la voie droite, que nous ne courons pas la course que le Seigneur a tracée. Souvenez-vous de Colossiens chapitre 2, le verset 6. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 6, que maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc dans la marche de la foi maintenant, et dans la marche de la foi, c'est une marche en obéissance, en totale soumission, et en accord avec la parole de Dieu, en totale soumission à la volonté de Dieu. C'est ça la marche dans la foi. Selon les préceptes et les règlements du Seigneur. Et cela étant, si nous marchons d'après les préceptes du Seigneur, nous savons donc que nous lui sommes agréables. Le Seigneur Jésus avait dit que celui qui, que le Père ne l'a pas laissé seul, parce qu'il fait toujours celui qui, ce qui est agréable à Dieu, donc ce qui est de sa volonté. Alors Dieu dit ici à la maison d'Israël, il dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Il ne s'adresse pas à tout le monde, il n'a pas dit monde entier. Il dit, n'imitez pas la voix des nations. Et vous allez voir que l'apôtre Paul va réitérer cette même parole du prophète Jérémie, mais en des langages nouvelles. Qu'est-ce qu'il va dire dans Romains chapitre 12? Il va dire, voici, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui désire de votre part, un culte raisonnable. Puis il va donner cette déclaration solennelle que le prophète Isaïe, enfin Jérémie avait déjà donnée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ce que l'apôtre Paul enseignait, le prophète Jérémie l'avait déjà dit en d'autres langages. Vous voyez cela? Alors, le Saint-Esprit dit ici, au travers de la bouche de l'apôtre, du prophète Jérémie, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. La question est, quelle est donc cette voix? Parce que souvenez-vous de ceci, lorsqu'on vous envoie quelque chose, lorsqu'on vous commissionne quelque part, on vous demande, lorsque vous allez descendre à gauche, vous allez voir quelque chose là-bas, on vous identifie la voie pour que vous y traversez. Parce que dans cette voie-là, quand vous allez marcher, vous allez trouver peut-être un arbre, un arbuste, selon les indications qu'on va vous donner pour baliser votre chemin. Alors écoutez bien, je veux que les bases soient bien claires avant qu'on ne progresse. Quand le Seigneur notre Dieu dit, n'imitez pas la voix des nations, c'est le premier volet, et ne craignez pas les signes du ciel. Nous allons regarder dans ces deux volets. Un, c'est quoi Dieu appelle par la voix des nations? Deux, c'est quoi il appelle par les signes du ciel, qu'on ne les craigne pas. Maintenant, ça veut dire qu'il faut que vous et moi, chacun commence à identifier tout autour de lui ce que Dieu appelle par voix des nations. Quand il parle de voix des nations, il parle de la manière d'agir des gens dans la nation. La façon dont ils se comportent, leur façon de marcher ne plaît pas à Dieu. Et Dieu nous donne l'indication ici que si nous marchons comme ça, ce sera l'ennemi de notre foi. Parce que notre marche, nous avons une nouvelle façon de marcher. Notez le livre d'Éphésiens au chapitre 4, versets 17 à 23. Vous pouvez prendre jusqu'au chapitre 17, jusqu'au verset 31. Chapitre 4, verset 17 à 31. Et tout à l'heure, j'ai cité Colossiens, le chapitre 2, verset 6. Notez d'abord, puis on va lire par la suite, que le Seigneur dirige comme il va le diriger. Puisse le Seigneur vraiment vous bénir. Notez aussi Ésaïe, chapitre 14, pour la sœur Karine qui en a écrit sur le forum, que Dieu vraiment te bénisse. Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel le chapitre 14, on va lire le livre du prophète Ézéchiel. Voilà. Le psaume 1 également, le psaume 1 est aussi intéressant. Vous avez mon frère et soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, voilà. Donc, il faut identifier notre ennemi afin de marcher dans la foi et être agréable à Dieu. Comme le livre de Romains, chapitre 12, verset 1 et Dieu le dit. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Maintenant, alors, je recommence encore. Avant d'avancer vers le Seigneur, Dieu nous dit ici que, un, on ne doit pas imiter. Donc, c'est une injonction à ne pas marcher selon la voie des nations. Et pour savoir donc comment ne pas marcher, il faut qu'on l'identifie. Donc, ça veut dire que Dieu nous dit de façon indirecte qu'on imite un style de comportement, une façon de vivre, un style de voix. Dans cette voix-là, ça montre clairement que cette voix, la voix des nations, n'est pas la voix de Dieu, même si ça semble être bon. Maintenant, il faut que chacun, c'est ça qu'il dit maintenant, que chacun de nous, méditant ceci, doit s'asseoir avec sa feuille, se poser la question, selon l'environnement qu'il en est de vivre. Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que ce que je regarde a pour but de m'amener droitement encore dans la voie de la sainteté? Il y a un bruit chez quelqu'un, je ne sais pas chez qui, ce bruit-là en train d'occasionner. Je ne sais pas si c'est chez la soeur Yannick, chez la soeur Monique. Il y a un bruit qui sort là. Alors, la question c'est donc, lorsqu'on chacun doit s'asseoir avec son cahier pour faire le diagnostic, pour faire ce jugement par soi-même, que 1 Corinthiens chapitre 11 dit, la Bible dit que si nous sommes jugés nous-mêmes, nous ne serons plus jugés avec le monde. Alors, lorsqu'on fait ce jugement, on commence à poser la question, je vis avec qui? Quelles sont mes aspirations? Ce que je fais actuellement, est-ce pour me conduire sur la voie de l'éternité? Souvenez-vous, je ne suis pas né de l'idée, je sors comme ça. Donc, si vous retenez, vous vous retenez. Vous en avez noté, vous me dites seulement, je vais doucement. Pourquoi j'ouvre la bouche, ça sort doucement. Donc, la question, c'est, je dois me poser la question, avec qui suis-je? La personne avec qui je suis est en train de me faire reculer en arrière, de me faire sortir de la voie de Dieu ou bien de m'accompagner dans la voie droite. La question là, ces questions doivent trouver réponse. Vous voyez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, la Bible déclare, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous prenons ça chaque fois pour donner aux enfants, en disant aux enfants que non, on ne marche pas avec les compagnies parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On oublie également que les mauvaises compagnies peuvent corrompre également ta marche dans la foi au point où tu te détournes de Dieu sans te rendre compte. Petit à petit, la ferveur dans la prière baisse. Petit à petit, la ferveur dans la lecture de la prière, de la parole baisse et tu ne sais pas de quoi il est la question parce que tu t'es mis en connivence avec quelqu'un dont l'injection spirituelle dans ta vie est un poison. On peut avancer. Donc, il y a des questionnements qui doivent être posés. Parce que, en fait, si vous ne posez pas de questions, vous ne pouvez pas. Regardez bien, dans ce Jérémie chapitre 10, verset 2, il est ainsi par l'Éternel, limité par les voies d'une nation. Dieu dit ça de façon compacte. Mais il va falloir maintenant venir réouvrir pour savoir de quoi il est question. Si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 18, quand les Juifs vont sortir, du verset 9 jusqu'au verset 14, notez également cela. Notez également cela. Il va lui donner les injonctions là-bas en disant clairement qu'on ne trouve point chez toi les astrologues, des dogues, des magiciens, toutes ces personnes-là. Il dit que Dieu ne vous a pas permis de faire ces choses-là. C'est fait pour les gens des nations. C'est à eux que l'Éternel a réservé cela. Donc, c'est aux nations de pratiquer cela. On ne doit pas faire comme eux. Vous voyez cela? Dans le livre de Lévitique, chapitre 19, quand les Juifs vont entrer au chapitre 19 et chapitre 29, Dieu va lui donner les ordres clairs de façon précise que lorsqu'on sera entré dans le pays que l'Éternel vous donne, ces pays où coule le lait et le miel, vous n'apprendrez pas à imiter la façon d'agir de cette nation-là. Car c'est à cause de ces abominations que les nations-là ont pratiqué. Ils cherchent les idoles, ils font passer leurs filles par le feu. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, que la terre les a vomis et que l'Éternel les cherche de la terre et vous donne en héritage. Donc on ne doit pas les imiter. Donc vous voyez que depuis, en fait, si on comprend très attentivement, depuis dans l'Ancien Testament, Dieu parle de la sanctification de nos voix avec des différentes façons de parler. Donc ici, la Bible parle là de la sanctification. Sanctifier, il faut que chacun sanctifie sa voix. Nettoie sa voix pour marcher comme Dieu le veut. Parce que Dieu marche il se trouve dans le chemin de la sainteté. La Bible déclare sainteté à l'Éternel. Et donc, vous voyez, effectivement, dans le Nouveau Testament, dans le 1 Pierre, l'apôtre Paul dit que, et que si vous invoquez comme Père celui qui juste selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, que vous l'invoquez, il dit que chacun soit saint dans toutes sortes, c'est qu'on dit soyez saint dans toute votre conduite. Donc, dans toute notre marche, on doit être saint. Autrement dit, on doit sanctifier nos voies. Amen. Alors, vous voyez effectivement que il faut que dans cette voie, nous identifions les ennemis ou bien l'ennemi de notre foi, l'ennemi de notre marche. Ça veut dire que les choses qui nous créent les pieds d'achoppement, il faut les identifier. Après les avoir identifiés, les nettoyer systématiquement. Sinon, nous allons tourner en rond, avoir l'essence de la Bible, les informations de la Bible, mais la vie de Christ derrière cette parole-là, comme Christ notre Seigneur dit que la parole qui dit son esprit est vie. La lettre, ça va rester lettre morte dans notre vie. Ça n'aura pas de dynamique pour pouvoir porter cette parole-là à maturité et porter cela le fruit. Parce qu'en réalité, on a confessé la parole, mais on a trimballé la parole. Et regardez, écoutez très attentivement. Vous connaissez l'histoire, la lampe tempête, n'est-ce pas? Je crois que c'est la meilleure façon qu'il puisse expliquer ce que ça nous dit. Vous connaissez la lampe tempête? Voilà. Pour vous, si vous avez fréquenté dans les coins, vous avez souffert comme nous autres, vous avez grandi dans les endroits où il n'y avait pas la lumière et qu'il y avait la lampe tempête, vous devez savoir de quoi il est question quand le pétrole est fini. Si le pétrole est fini et que vous allez prendre le reste du pétrole qui s'est mélangé avec de l'eau versée à l'intérieur, vous allumez la mèche. Vous allez voir que la lampe fait pop, pop, pop. À un moment donné, ça va s'éteindre parce que le pétrole est mélangé avec avec de l'eau. C'est exactement quelqu'un qui prend la vie de la foi et mélange avec les ennemis de la foi. Vous ne ferez pas bon mélange. Pour savoir que vous avez foi, passez par une nuit ténébreuse, dans une zone de cimetière, vous allez savoir si vous avez foi. Vous allez savoir que vous avez l'ennemi. Vous passez avec tranquillité. Vous voyez quelqu'un bouger dans le cimetière. Vous continuez doucement. Vous allez savoir si vous avez foi ou pas. Si vous avez des ennemis dans votre cœur. Alléluia. Canada dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Il est 1h07 ici à Douala, au Cameroun. 19h chez vous, n'est-ce pas? 18h. 20h. Il n'est pas encore 19h. Il est 20h07. 20h07, 20h07, voilà. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est, vous remarquez effectivement que au milieu de l'angoisse, la peur est mélangée avec la confession de notre lèvre, de notre vie de foi. Malgré qu'on dise que je sais que le Seigneur est vivant, en toile de fond se trouve la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. Mais d'où vient cette peur? Par crainte que, et si Dieu, parce qu'il y a une réserve que, et si Dieu n'accomplirait pas ce qui a été dit. Cette peur-là montre qu'il y a un ennemi. La peur donc est issue donc du doute. Et le doute, c'est fait à cause des sens, parce qu'il y a une information extérieure qui est léguée seulement au sens physique. Parce que la foi se relaie sur l'invisible. La foi s'appuie sur l'invisible. Et par conséquent, s'il y a la peur, ça suppose qu'il y a un instigateur et donc quelqu'un qui veut détruire notre foi à l'extérieur, qui est en train de nous trimballer sans que nous sachions. Alors pour tester que vous avez foi de façon indéfectible, passez vers les cimetières dans la nuit. Étant seul, sans siffloter que... Sans regarder par derrière. Sans commencer à réciter les versets bibliques. Que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal à haute voix. Pour te convaincre que tu es protégé. Alors vous devez savoir que vous avez les ennemis à l'extérieur. Amen. Alors la Bible déclare donc... Quand on imite, écoutez bien l'injonction, n'imitez pas la voix des nations. Donc ça veut dire que, un, les nations ont une voix qui ne plaise pas à Dieu, même s'ils veulent imposer leurs standards. Cela implique quelque chose de terrible. C'est justement les nations que Dieu demande. Et chaque fois que nous disons les Juifs, nous disons que les Juifs sont méchants. Comment ils pouvaient aller faire l'idolâtrie? Comment ils pouvaient faire ces choses alors qu'ils ont vu la main de Dieu? Nous-mêmes, nous avons vu et nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés. La Bible nous pose la question, comment vivrons-nous encore dans ces péchés-là? Oh, la même chose est faite pour nous, puisque la Bible nous déclare, puisque vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Quelqu'un librement ça, appelle livre son corps à l'impurité. Vous voyez qu'on n'a pas changé, pas vrai? Alors la Bible déclare donc, maintenant que vous avez reçu Christ, dans ce livre de Colossiens chapitre 2, verset 6, il dit marchez en lui. Marchez en lui. Donc on n'a pas sorti ni à gauche ni à droite. Dans 1 Jean chapitre 5, les 7 premiers versets, c'est le même sujet qui est dit. Que si quelqu'un dit qu'il a connu et qu'il marche dans les ténèbres, il est menteur. Mais si nous marchons en lui, comme il est lui-même, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité dans cette marche-là. Alléluia. Alors quand Dieu dit, n'imitez pas la voix des nations, ça veut dire que les nations ont une voix, ont des voix, parce que la voix qui ne plaise pas au Seigneur, la façon de se comporter. Maintenant, voici le point. Le vrai problème, c'est que c'est cette nation-là qui nous injecte, nous enseigne et nous fustige par rapport à notre voix. Lorsque vous marchez comme la voix de Dieu dit, on vous traite de radical. Et quand on vous traite de radical, vous voulez changer votre standard à leur standard. Parce qu'on dit que vous ne devez pas être en marche de la société. Vous n'allez pas prendre un bateau à compte courant. Vous devez marcher en suivant le sens. Vous ne voulez pas monter l'eau de l'autre côté alors que le courant doit descendre. Parce que tout le monde marche dans une direction. Dieu dit, ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. On va toucher ces aspects-là. Mais il veut qu'on s'attelle d'abord dans cette première partie sur la voix des nations. Donc il faut qu'on identifie la voix des nations. Souvenez-vous, ça veut dire que tout standard que la nation nous produit, en voulant montrer comme le modèle de la société, nous devons fuir cela tant que ce n'est pas confirmé dans les Saintes Écritures. Parce que Dieu nous a déjà donné l'ordre de ne pas imiter la voix des nations. Alors chacun de nous doit donc se poser la question. Quelles sont ces voix-là qui sont tout autour de moi, avec qui je marche? Avec qui je m'associe, avec qui je vais, mes projets sont-ils à la lumière du standard de Dieu, mes projets, ce que je souhaite être, je souhaite réaliser, est-ce que je fais avec l'accompagnement de Dieu, c'est-à-dire, est-ce que ça me conduit sur la voie de l'éternité, pour faire l'œuvre à laquelle je suis venu sur la terre, est-ce que ce que je suis en train de faire, je projette faire, est dans la droite ligne de ma destinée terrestre? Est-ce qu'au sorti de ma vie terrestre, je pourrais dire au Seigneur que j'ai fait ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Vous voyez que ces questions-là sont importantes à examiner. Il faut donc qu'on identifie l'ennemi de notre foi, l'ennemi de notre marche. Amen. Donc la voix des nations sont des standards que les nations se sont fixés. Je prends un exemple simple. Je crois que c'est vendredi, nous étions à la radio. Et le journaliste m'a surpris en m'informant que la Coupe du Monde. Je ne savais pas, honnêtement, je ne savais même pas. Il m'a expliqué que l'Égypte a fait quoi. Je ne savais pas de quoi il est question, que l'Égypte a perdu quoi. Je lui ai dit que je ne sais pas même pas qu'il avait la Coupe du Monde, que je savais qu'il y avait une Coupe du Monde 2018. Je ne savais même pas, en réalité, je ne savais même pas que la Coupe du Monde allait se jouer. Je croyais qu'il parlait des éliminatoires ou quoi que ce soit. Et quand nous rentrons, nous sommes arrêtés quelque part. Je voyais que les gens étaient attroupés. Quand on faisait les rattroupements, ils voyaient les coupes. J'étais surpris de savoir que c'est la Coupe du Monde. C'est terrible, frère. Terrible. Vraiment terrible. Au point où chaque chrétien, il y a même des chrétiens qui ont leur supporter. Ils sont supporters d'une équipe. Et vous dites, vous lui posez la question, vous en avez voir quoi? Il dit, il voit la Coupe du Monde. Il prononce de sa bouche la Coupe du Monde. Quand ça va finir, ce sont les Jeux Olympiques. Et le geste olympique, c'est issu de la divinité grecque appelée Zeus et Romain. Dans l'Antiquité, c'est ce même jeu qui se présentait et on faisait le culte des cérémonies à ces dieux. Les chrétiens y participent. Vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu leur dit, n'imitez pas la voix des nations. Il va dire que non, il y a quoi de mal à ça? C'est seulement pour la distraction. Il y aura des philosophies parce que tout ce qu'on peut dire, on pourrait dire n'importe quoi sur les aux juifs parce que tous les cultes que Dieu leur interdisait, ça avait des aspects qui aidaient les hommes sur la terre. Les gens, les nations qui pratiquaient ces choses-là, ça les aidait. Quand, par exemple, les gens devaient aller en guerre, ils consultaient les divinités pour savoir s'ils vont gagner ou pas. Ils lançaient les augures pour savoir de quoi ils devaient faire. Mais Dieu leur interdit à son peuple de faire ainsi. Parce qu'il est le Dieu qui répond aux prières. Vous voyez? Donc, on a des problèmes sur la terre. Maintenant, nous voilà maintenant en plein. Combien de chrétiens vont laisser leur Bible pour voir successivement un match de 90 minutes, puis voir un autre match de 90 minutes? C'est concentré dans les discussions et dans les débats qui ne lui servent à rien par rapport à la fortification de sa foi. D'autres vont philosopher en disant que je peux aller en boîte là-bas pour voir le match. En sortant, j'ai converti une personne. Et lui-même n'est pas converti. Parce que s'il était converti, il n'imitera pas la voix des méchants. Mais qu'est-ce que la Bible déclare dans le psaume chapitre 1? Lisons. Psaume chapitre 1. Regardons cela. Vous voyez effectivement que ça parle de la Coupe du Monde. Allons-y. Vous allez voir la Coupe du Monde dans la Bible maintenant. La sœur Monique, tu peux nous lire? Tu y es déjà? Allons-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans le nom de l'Éternel. Regardons le premier volet. N'est-ce pas la réunion des moqueurs qui se trouve là-bas, dans la Coupe du Monde, lorsqu'on voit la Coupe du Monde? C'est pas ça. C'est ça. Quand un joueur, on lui donne le penalty, il rate, on l'insulte même en voyant que tu l'as insulté sans t'en rendre compte. Pas vrai, ma soeur? Mais la Bible déclare heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Qui ne fait pas ces choses, n'est-ce pas? Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui? Non, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui le médite jour et qui la médite jour et nuit. Oui, stoppons là-bas. Donc on a deux aspects ici. La voix des nations, c'est pour faire des réunions publiques autour de quelque chose d'une idole parlante, vociférant des choses, discutant. Il y aura de plus de discussions qui vont sortir là-bas, les paris qui vont sortir là-bas. La question c'est qu'est-ce qu'un chrétien fait au milieu de là-bas? Vous voyez la voix des nations, n'est-ce pas? L'une des voix des nations. Voilà l'une des voix des nations. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Quel est l'avantage spirituel? Qu'est-ce que ça peut faire pour l'édifier, pour avancer dans l'œuvre de Dieu? Mais à contrario, la Bible présente dans le deuxième volet qu'au lieu de faire cela, mais qui trouve son plaisir, qui passe son temps dans la méditation de la parole. On va lui dire, mon ami, tu es déphasé de ton époque. Tu crois que tu vas venir, tu vas devenir un deuxième Jésus. Le monde est fait comme ça, vivre dans le monde, il ne faut pas vivre le ciel. Ce n'est pas le ciel ici, ainsi de suite. Même les chrétiens vont te dire cela. Mais quand vous vous approchez bien de la Bible, vous allez voir effectivement que ceux qui servent le Seigneur, ce sont les gens mis à part. Ça veut dire que si on n'en arrive pas pour servir Dieu de la bonne façon, il faut arriver au niveau de tout ce qui était dans le monde, je les regarde comme de la boue. C'est à ce niveau, juste à ce niveau. Parce que beaucoup de personnes parlent de mourir en soi, pas les lèvres, mais dans les actes et dans les faits. Ils ne sont pas morts en eux-mêmes. Ils ont toujours cette résurrection de leur propre volonté, la soif de tenir contre la loi de Dieu, les lois de Dieu, en y trouvant, en y juxtaposant leurs propres pensées et leurs propres interprétations pour rabaisser la loi de Dieu à leur standard en disant que ce n'est pas important. Ou mieux que ce qu'ils disent n'est pas contraire à la parole du Seigneur. Vous voyez le problème que nous en trouvons, dont nous nous trouvons ce siècle-ci. Donc en clair, les gens disent clairement, en enseignant même aux gens, qu'il faut qu'on meure en soi-même. Si on ne meurt pas en soi-même, on ne peut pas servir vraiment Dieu. On ne peut pas être disciple du Seigneur Jésus. Et Jésus le dit. Si vous préférez votre vie plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Si quelqu'un veut me préférer, veut me suivre, s'il ne porte pas sa croix et me suivre, s'il ne meurt pas en lui-même, il ne peut pas me suivre. C'est ce que Jésus dit. Chacun dit cela. Mais tu dis, quel est le problème? L'apôtre Paul, lui, il avait laissé tout sans réserve. Les apôtres avaient laissé tout sans réserve. Mais aujourd'hui, on trouve arrêté par la philosophie. Il faut quand même servir Dieu avec sagesse. Et Dieu nous a quand même donné le raisonnement, l'intelligence pour ne pas faire tout avec bêtise comme les robots. Tout genre d'intelligence vont sortir. Tout genre d'interprétation vont sortir. Mais l'apôtre Paul dit, ce qu'il avait comme de gain dans le monde, il le regarde comme la boue afin de gagner Christ. Donc pour lui, le monde est mort. Mais pourtant, dans la Bible, il parle, ne savons pas que ceux qui courent dans le stade. Donc, dans leur époque, les Jeux Olympiques se passaient dans les stades. Mais il n'a pas dit que je m'en vais au stade. Vous ne devez nulle part aller dans le stade pour aller prêcher. Mais un chrétien va te dire qu'il part au stade comme ça, il peut évangéliser son voisin. Au milieu du bruit où les gens ont payé leur transport, leur truc pour venir voir le match, ils sont dans le culte. Souvenez-vous, le football, c'est un culte avec les divinités qui jouent. Dans le culte, tu vas venir évangéliser. Vous voyez qu'on est totalement déphasé. Déphasé avec la Bible. Déphasé. Alors ce soir, nous sommes en train de voir dans le Canada de la sainteté, identifier l'ennemi de notre marche, c'est-à-dire l'ennemi de notre foi. Ces ennemis-là sont subtils. Utilisent nos raisonnements. Ces ennemis sont subtils. De telle sorte que ceux n'entrent pas dans la méditation, dans le calme, et qu'on désire vraiment changer et avancer avec le Seigneur, vous ne voulez pas les identifier. Ces ennemis. Les ennemis de notre foi, de notre marche, sont subtils, placés par l'ennemi dans notre vie pour nous faire tourner en rond. Un peu comme une chèvre qu'on a attachée quelque part avec une longueur de corde qui signifie le degré de la liberté qu'on lui a donné. Vous tournez en rond jusqu'à ce que à la circonférence de votre. Jusqu'à ce que vous ayez dévoré, comme la chèvre, toutes les herbes dans votre circonférence. Vous allez voir effectivement que vous avez tout dévorcé. Mais vous allez voir les pâturages quelque part, vous ne pouvez pas avancer parce que à cet instant-là, vous avez été capturé. Ces ennemis, donc, sont subtils. Introduits dans nos vies par nos ennemis. Et ils nous donnent eux-mêmes avec des suggestions et des raisonnements pour que nous ne voyons pas du mal à cela. Que faire donc pour se détacher de ces ennemis? Il faut aller au-delà de notre standard, au-delà du raisonnement humain, au-delà des pensées de ce qu'en dira-t-on. Prendre le standard de Dieu et décider de vivre seulement selon le standard de Dieu. Voilà le remède. C'est le seul et unique remède. Canada de la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Donc, pour vivre selon la volonté du Seigneur, donc comme tel que nous sommes en train de voir, nous n'avons pas de remède, c'est soumettre toute notre volonté sous sa gouverne. C'est-à-dire, c'est le standard de Dieu que nous prenons pour référence. S'il n'y a pas le standard de Dieu pour référence dans notre vie, nous allons prendre nos standards selon nos standards. Nous allons prendre notre voie selon notre standard. Ou mieux encore, selon le raisonnement humain, nous allons prendre selon le raisonnement du grand nombre. Et prendre que le raisonnement du grand nombre, que la voie du grand nombre est la meilleure. Chacun doit aller en confrontation dans le miroir de la parole pour savoir quelle est la voie que Dieu a destinée pour lui et marcher dans cette voie. Et éliminer systématiquement, absolument et définitivement tout ce qu'on connaît et identifie comme ennemi. Dans le combat de la foi, on ne garde pas ses ennemis. Dans le combat de la foi, je ne parle pas des ennemis physiques qu'il faut tuer, que non. Je parle, on ne garde pas les choses qui seront les achoppements pour nous, il faut s'en débarrasser. Quand la Bible déclare, par exemple, qu'on ne trouve au milieu de vous ce type de personnes, ces choses, on ne doit pas les retrouver. Quand Dieu dit, par exemple, que vous avez au milieu de vous des idoles, il faut s'en débarrasser. On ne prend pas une idole, on ne peut pas prendre une idole de Bouddha pour mettre chez vous en disant que non, c'est une œuvre d'art. Si pour les autres, c'est le culte, pour moi, je sais que c'est pas pour le culte, je fais seulement pour orner. Parce qu'une idole, c'est une idole. Ça a été fait à dessein pour cela. Il faut s'en débarrasser, il faut brûler. La sœur Suzanne Cana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Comment tu vas ce soir? Bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Il y a cela 35 minutes, nous avons commencé à traiter ce soir de l'ennemi de notre foi, de notre marche. Et nous avons commencé à lire depuis le livre de Jérémie chapitre 10, le verset 1 où Dieu dit au peuple d'Israël de ne pas imiter la voix des nations. Nous sommes en train de voir dans cet enseignement comment identifier l'ennemi de notre marche, les ennemis de notre marche, la marche dans la foi. Et c'est ça que nous sommes en train d'étayer aujourd'hui. Bienvenue au milieu de nous. Amen. Merci. Installe-toi confortablement. Prends de l'eau fraîche. Installe-toi. Et nous continuons la balade dans les Écritures. Alors nous voyons que dans la marche chrétienne, si vous lisez le livre d'Éphésiens, vous allez voir effectivement qu'il y a trois étapes dans la marche chrétienne révélées dans le livre d'Éphésiens aux chrétiens d'Éphésiens. La première marche, c'est nous sommes sauvés, nous sommes assis dans l'accomplissement, dans les lieux célestes avec Christ, selon qui est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Vous voyez, nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. C'est quelque chose qui s'est réalisé sur le plan spirituel déjà. Ressuscité, assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Dans le deuxième volet, nous sommes ça sur le chapitre 2. Dans le chapitre 4, vous voyez au verset 17, il dit, voici ce qu'il dit, écrit et commande dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme marchent les païens qui marchent selon les vanités de leurs pensées. Une fois de plus, l'apôtre Paul réitère ce que le prophète Jérémie avait dit, qu'on ne doit pas imiter la voix des nations. Au chapitre 12 d'Éphésiens, enfin d'Ésaïe, au chapitre 12 de Romains, il a déjà dit, qu'on ne se conforme pas au siècle présent, mais qu'on soit renouvelé par notre intelligence, qu'on soit transformé par notre intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est la volonté du Seigneur. Donc, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul l'a signifié plusieurs fois. Maintenant, dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4, il dit, nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent d'après la vanité de leurs pensées. Puis il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Maintenant, donc, ça veut dire que nous avons une marche chrétienne. Vous voyez cela? Initialement, dans le chapitre 2, verset 6, il dit que nous sommes assis ensemble avec lui dans le lieu céleste. En même temps, nous sommes assis sur la terre, sur le plan physique, nous devons marcher. Et au chapitre 6, il dit que nous n'avons pas à lutter. Donc, voilà les trois phases donc, de la vie chrétienne. Si on prend de façon inverse, ça veut dire qu'on est sauvé pour la résurrection, afin qu'on s'assied ensemble avec Christ dans le lieu céleste. Mais en attendant que cela soit réalisé, parce que c'est en espérance que c'est fait, maintenant, là, nous avons une marche et dans cette marche, nous combattons. Voilà ensemble le résumé. Donc, il y a l'aspect salut pour la résurrection finale, la rédemption de notre âme. Mais en attendant cette rédemption, dans l'espérance, nous marchons. Et notre marche est dans un canevas, balisé par les préceptes de Dieu. Dans notre marche, nous sommes balisés. Notre chemin est balisé par les préceptes de Dieu, par les commandements du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la voie sainte. La Bible déclare dans le livre des prophètes, il dit qu'il y aura une route sainte. Vous voyez, qui sera frayée. Un chemin saint qui sera frayé. Il dit que même l'aveugle y marchera. C'est-à-dire qu'en obéissant au commandement de Dieu, on n'a pas besoin de voir avec les yeux pour obéir. C'est dans le cœur, parce que Dieu avait prévu d'écrire ça dans le cœur. Alors, dans cette marche balisée par les préceptes du Seigneur, dans le commandement du Seigneur, nous marchons en combattant contre nos ennemis, parce que les ennemis seront là pour nous damer le pion et nous faire des choix de cette voie-là. C'est en cela que consiste la marche chrétienne. Et donc, dans Colossiens chapitre 2, verset 6, donc maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Donc, notre marche est balisée. Et Jésus, notre Seigneur, avait dit qu'elle était sur la terre. Il avait dit qu'il est le chemin. Donc, c'est sur lui que nous marchons. D'après son ministère, c'est en lui que nous marchons. Dans le livre des Jean, chapitre 10, il a dit le bon berger, quand il fait sortir le bébé, il marche devant le bébé, le bébé marche à sa suite. Dans cette marche-là, c'est lui qui nous guide. Nous marchons sur lui. Nous marchons en lui. Nous marchons avec lui. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 28, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, dans notre cheminement, nous marchons avec Christ. Si nous marchons avec sa parole, avec ses paroles balisant notre chemin, nous sommes avec lui. La Bible déclare dans Jean chapitre 14, il dit que je vis, vous vivrez, car le monde ne me connaît pas, mais vous me connaissez. Je reviendrai vers vous et vous, votre joie sera parfaite. Et je serai même en vous. Donc, le même Christ est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Christ qui marche avec nous se retrouve en nous. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Dans Jean 14, donc, il dit, je suis le chemin. Donc, Christ est avec nous. Christ marche avec nous. Christ est à côté de nous. Christ est en nous et nous marchons sur Christ et en Christ. Ça veut dire, nous sommes emprisonnés en Christ lorsque nous lui appartenons. Canada dans la sainteté, bonsoir. Que Dieu notre Père vous bénisse. Canada dans la sainteté, bonsoir. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyons donc violents.